Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, c'est un spécial 100% francophone du poste d'écoute que je vous propose. On va entendre plein de bonnes choses, dont le nouvel album de Band de Garage qui s'appelle Cassette 2. On a aussi reçu Cœur de Pirate et enfin, le nouvel album de Pomerlo qui s'appelle Casa Voyageur. Une de ses pièces tourne beaucoup assez fou depuis pas mal de temps. Et maintenant, on a reçu l'album officiel, donc ça va être très très bon un petit peu plus tard. On commence avec quelque chose qui va sûrement être très bon, mais j'en ai aucune idée parce que je ne l'ai pas écouté à l'avance. C'est le principe de l'émission. On va écouter Éric Bélanger avec son nouvel album Banana Spleen. Tout de suite, voici nous dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Nous, on était magnifiques. Shakespeare serait jaloux. On était des classiques. Nous, on était mythiques. Comme ça, il s'en fait plus. On était historique. Nous, on riait des statistiques. On avait peur de rien. On se foutait bien du fric. Nous, on était magique. L'amour collait partout. On était magnifique. Dis-moi que je suis belle, que tu ne vois pas mes cernes. Dis-moi que tu m'aimes. Maman, dis-moi que je suis beau. Je me fous des fils blancs. La vérité tue tout. La vérité tue nous. Allez, sois authentique. Alors, entre nous, ça clique. Nous, on sera pas que la chronique d'une chanson pathétique. C'est que le premier chapitre. Maman, dis-moi que je suis bon. Que tu mords dans la peau. Que tu mords dans les os. Dis-moi que je suis belle, je me fous des fils blancs. La vérité du tout, la vérité du tout. Le poste d'écoute. Thank you. gratte saigne ma vitre, ta visage embué, leur bouche circonflexe s'évanouissent, se malaxent à la masse, leur amant russe sur mes genoux attend depuis des lustres que le cœur mentisse de ma vitrine. Le pont étrangle tout un chapelet de tout prise dans son goulot. Mes visages embués refont surface, m'observe, me voit perdre la face. Dans le cœur de la machine, perdu dans la ville, dans la grise misère, ma matière grise se perd. Mes poumons cherchent l'air dans le ventre du spleen. Assis dans le spot bowling, ma journée finie. Autour de moi gravite des pensées noires graphites. J'atteins la 44. J'attends la 44 qui me ramène à l'aval. Dans le cœur de la machine, sortant de la ville, ma matière grise se perd. Mes poumons cherchent l'air dans le ventre du spleen. Dans tes oreilles, c'est fou dans mes oreilles, c'est fou dans nos oreilles. Se glisse, porté par la musique. Assis devant la théière, j'ai le cœur fantaisiste, comme toi et moi un jour hier, grisé de la prose du pianiste. Du pianiste, comme les ailes des mouches, nos épaules se touchent. Fin d'automne, plan d'hiver, sans éclat ni lumière. Fin d'automne, plan d'hiver, assis devant la théière. Sans toi, je suis plus dans le vent, je redeviens les autres. Sans toi, je suis pris dans le courant, dans l'ordinaire des choses. La maison est en ruine, la céramique est cassée. J'ai transformé en cuisine notre chambre à coucher. Notre chambre, comme les ailes des mouches, nos épaules se touchent. Fin d'automne, plan d'hiver, sans éclat ni lumière. Fin d'automne, plan d'hiver, assis devant la théière. On faisait avec ce qu'on avait. C'était pas grand chose, mais c'était bien. C'était bien d'être ce qu'on était. J'ai mémoire qu'on était très bien. Alors reviens, on déjeunera au lit. On déjeunera comme les ailes des mouches. Nos épaules se touchent. Fin d'automne, plan d'hiver, sans éclat ni lumière. Fin d'automne, plan d'hiver, assis devant la théière. Alors reviens. Éric Bélanger avec son album Banana Spleen, et la pièce qu'on vient d'entendre s'appelle Comme les ailes des mouches. C'était précédé de Dans le ventre du spleen de l'aube, et on a commencé avec Nous. Donc c'est les quatre premières pièces de cet album d'Éric Bélanger. Finaliste au festival de Granby en 2006, lauréat du prix Radio-Canada Télévision, coup de cœur du Rossec, coup de cœur festival de Tadoussac, coup de cœur festival Pouliquébec en Suisse, choisi par Musimax pour le documentaire On s'en va à Granby, diffusé pour le printemps 2007. Album Banana Spleen en magasin depuis le 9 septembre. Vous pouvez visionner son premier clip sur le site de Musique Plus en passant par son MySpace au myspace.com/Éric, la lettre B, puis l'Angers. Ça nous dit là-dessus qu'il vient de Montréal, que c'est un artiste indie French pop alternatif, que les membres de son groupe sont à la direction musicale au piano et au clavier, en spectacle Marianne Trudel, à la batterie Max Sansalon, à la basse Fred Beauséjour, au trombone Maria Krusko, et à la réalisation de l'album Banana Spleen, François Richard. Ses influences Gainsbourg, Kali, Satie, Tom Waits, Thomas Fersen, Miles Davis, Bjork et plusieurs autres. Sur son MySpace, ça dit aussi. Il y en a des choses sur son MySpace. Qui va être en spectacle le 4 octobre au Pop Montréal. Ça, c'est à 20h. C'est à Montréal. Vous l'aurez deviné. MySpace.com/Éric, la lettre B, Langer. Ou encore Éric Bélanger, en vrai, sans l'accent.net. Voilà. Allez voir le www.unechance.com pour suivre avec nous à la maison. On continue le spécial francophone du poste d'écoute avec la musique de Pomerleau. On avait reçu quelques pièces de sa part il y a quelques mois. Ça avait commencé à jouer pas mal, beaucoup, assez fou. La pièce « J'aime pas » s'est retrouvée dans nos palmarès. Et c'est justement par elle qu'on va commencer pour se remettre dans le bain. Ensuite, on va entendre « L'arbre magique » et « La caisse numéro 2 ». Ça se passe dans l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. C'est le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Sous mes yeux le plus laid tableau, le jamais au bord de l'eau. Y'a de mystères autour de la terre, est-ce nous qui allons la défaire? Tournez trois fois votre langue avant que tout ne tremble. Les gens sont violents, recherchent l'argent, de vrais tirant des abous portants. Ravageons nos paysages, résultat de notre passage. Y'a de voitures pour la nourriture, laissez à ceux qui triment dur. Nous glissons vers le fond, allez, un peu de communication idéologique, un code d'éthique, la bonne musique pour fuir le tragique. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu. Ne me dis-toi pas ce que tu fais, j'aime pas. What about? Un peu de gêne, le jamais de toi à la haine. Pas détruire ton ennemi avant qu'il devienne ton ami. Distorsion des religions, mon Dieu. J'ai manqué l'avion, la route n'est pas longue. J'aperçois les temples, brouiller les ennemis avant l'Amazon. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu. Ne me tue-toi pas, ce que tu fais, j'aime pas. Poste d'écoute. Ses branches, une cabane d'où l'on peut voir la Havane. Yeah. J'aimerais m'étendre, me détendre au pied de son ombre. L'arbre magique n'est pas l'invention d'un cirque. L'arbre magique est plus qu'authentique. Des milliers de gens portent leur balançoire et s'y accrochent. Yeah. J'aimerais ressentir, découvrir ce qui l'inspire. Une nuit, aucun bruit pour faire pousser ses fruits. Les boulons se sentent de trop misérables, misérables. L'arbre est tellement admirable. L'arbre est tellement admirable. L'arbre magique n'a vraiment rien de chimique. L'arbre magique n'a pas une arme diabolique. Ses racines vont de l'Amérique, peut-être jusqu'à l'Afrique. Yeah. J'aimerais les fleurs et les toucher comme la brise. Une nuit, aucun bruit pour faire pousser ses fruits. Les boulons se sentent de trop misérables, misérables. L'arbre est tellement admirable. L'arbre est tellement admirable. faire pousser ses fruits. Les boulons se sentent de trop misérables, misérables. L'arbre est tellement admirable. L'arbre est tellement admirable. Commercial, j'y trouve mon idéal. Consommateur sans cœur, j'ai trois aspirateurs. Me hante les super ventes, pourtant j'ai tout dans le ventre. Je rentre dans la faille, les grands mailles me rendent high. Je suis vendu à mes abus, je consomme sans retenue. Avoir ce que je n'ai pas eu. Je ne peux croire que je suis né tout nu. Que l'on soit pour ou contre, ce qui compte c'est les escomptes. Le bonheur complet se retrouve dans les rabais. J'achète en gros, tout est si beau. Je dépense mes souffrances. Quand j'achète je suis en transe. Je les aime, je m'y confesse. Je prends le plus gros panier pour me réconforter. Existentiel, pour moi le matériel. J'entasse les objets sur ma carte, beaucoup d'intérêt. Pour oublier mes tracas, il suffit de quelques achats. Et les circulaires embellissent mon ordinaire. Que l'on soit pour ou contre, ce qui compte c'est les escomptes. Le bonheur complet se retrouve dans les rabais. J'achète en gros, tout est si beau. Je dépense mes souffrances. Quand j'achète je suis en transe. Yeah. Que toi, que l'on soit pour ou contre, ce qui compte c'est les escomptes. Le bonheur complet se retrouve dans les rabais. J'achète en gros, tout est si beau. Je dépense mes souffrances. Quand j'achète je suis en transe. Yeah. Oh, oh, oh. Pas le temps de prendre une drop, drop. Wake up, pas le temps de prendre une drop, drop. La lumière éblouie, ne reste que le bruit des taxis. Quartier inanimé, des milliers de gens trop fatigués. Oh, ah. Carnivore ou herbivore, tous dévorent leur sort. La société meurt d'anxiété. Est-ce qu'il puisqu'elle va se réhabiliter. De l'Est arriveront les rayons, réveillera la population. Petit déjeuner pour grosse journée, il faut en profiter. Réveillez-vous, la nuit est belle. Réveillez-vous, c'est calme dans la ruelle. Wake up, pas le temps de prendre une drop, drop. Wake up, pas le temps de prendre une drop, drop. Le soleil se cache, laisse aux rêves toute leur place. Lampadaire éclaire, des gens dorment, d'autres désespèrent. Oh, ah. Dans la nuit ne paraît le gris, les uns ne plus les bruits. Les histoires comptées dans le noir ont toujours plus de pouvoir. Encore une autre journée amère, rajoutez à votre carrière. Il faut laisser tomber tous les montres, oubliez le décor. Réveillez-vous, la nuit est belle. Réveillez-vous, c'est calme dans la ruelle. Réveillez-vous, la nuit est belle. Réveillez-vous, c'est calme dans la ruelle. Yeah, yeah, yeah, no more sleeping in bed. You got to wake up and have some fun. See me fighting them, I have some fun, yeah. How you feeling, Martha? Irie, yeah, I'm feeling good. Cause tonight is young, got to have a lot of fun. Got to have some fun, say the night is fun, yeah. Wake up, pas le temps de prendre une drop, drop. Wake up, pas le temps de prendre une drop, drop. Wake up, pas le temps de prendre une drop, drop. Wake up, pas le temps de prendre une drop, drop. Réveillez-vous, la nuit est belle. Les quatre premières pièces du nouvel album de Pomerleau qui s'appelle « Casa Voyageur ». On va entendre « La nuit est belle » précédée de la caisse numéro 2 de l'arbre magique. Magique, oui, on a commencé avec la pièce « J'aime pas ». Donc Pomerleau, vraiment très bon artiste, très bon album, j'adore ça. Il a fait son lancement hier au Cercle à Québec. Il va être le 2 octobre ici même à Trois-Rivières, ici même dans l'université, ici même à la Chasse-Galerie. C'est à 21h le 2 octobre. Ensuite, il va être en novembre au Quai des Brumes, au Bal du Lézard, à la Boîte Bleuée et au Café Combio. Allez voir le myspace.com/Pomerleau Music. Pomerleau, ça finit avec un O et puis Music en anglais. Ou encore pomerleau.net. Les membres du groupe sont Monsieur Pomerleau à la guitare et la voix, Shampoing, guitare et voix, Dominique Henry à la batterie, Charlie Yapo à la basse et Dan Gaudreau au clavier. Influence les Coelho, Leloup, Marley et K.O. de ce monde. Mm-hmm. C'est un artiste de Québec. Voilà, il fait du folk, rock, reggae. Et j'avais sa biographie. Lisons-la, sa biographie, je trouve ça intéressant. Pomerleau fait ses premières armes autour de 1995 en interprétant les grands succès de l'heure dans les bars. En 2002, il s'engage plus sérieusement sur la scène musicale avec le groupe Opéra Bung, pour lequel il composera paroles et musique de son album éponyme. Il parcourt alors la province et se produit sur des scènes d'importance telles que le Woodstock en Beauce, le Festival des rythmes du monde de Chicoutimi et le Festival des Journées d'Afrique de Québec, pour ne nommer que celle-là. En 2006, le groupe remplace Doba Caracol lors d'un concert extérieur devant plus de 3000 personnes. En quête d'inspiration, Pomerleau se rend au Maroc en 2006, d'où naîtra Casa Voyageur, son premier album solo. Appuyé d'instruments et des sonorités bien étoffées, Pomerleau y déploie son arsenal de mélodies mémorables, d'observations incisives et de punchs vocaux qui accrochent instantanément l'auditeur. Dans une atmosphère teintée de pop, rock et de reggae, Pomerleau aborde la nature humaine et parle d'environnement, de surconsommation, de sentiments et de rêves. Un mini-album paru au printemps 2008 a commencé à générer une diffusion considérable sur les ondes de plusieurs radios, surtout universitaires et communautaires, dont C'est Fou, qui est même listé en premier. Ça l'a marqué entre parenthèses numéro 1, donc Pomerleau a été numéro 1 avec sa pièce « J'aime pas ». Donc, Casa Voyageur, un album qui nous transporte vers des rythmes et des lieux nouveaux plongés dans la découverte, dit son document de presse. Pomerleau, j'aime ça, je le répète encore, Casa Voyageur, c'est le nom de son album. Allez voir pomerleau.net ou encore myspace.com/pomerleau-music. Vous êtes dans le spécial francophone du poste d'écoute et on continue avec les 454. Leur nouvel album s'appelle Sort le Lunch et tout de suite, voici Toute la nuit. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois à C'est Fou 89.1. FM. C'est fou.ca. Dans le bar, que nos regards se sont Restez là, au retour, le nouvel album des Cowboys Fringants et de Band de Garage dans le poste d'écoute au 89.5. Oh, we'll be right back. Les 454 avec la pièce C'est Hans et leur nouvel album sort le lunch. C'était précédé de À deux dans la même toilette et de Toute la nuit. Donc les trois premières pièces de leur nouvel album sort le lunch. Les 454, un groupe de garage rock surf de Montréal, votre en spectacle le 25 octobre au Divan Orange avec Mono Stereo et les Batu Slack. Ça, c'est à Montréal. Dans le groupe, il y a Raph au chant, guitare, basse et sex symbol. Louis à la guitare tueuse, Hans, tambour et cri additionnel, et les Roadie Hoes, Care, Amy et Audrey, savoureuses choristes et bonne humeur. Influence ACDC, The Clash, The Ramones, Serge Gainsbourg, Johnny Cash, les Breastfeeders et plusieurs autres. Allez voir myspace.com/454SuperTorque2. Hein? Super facile à retenir. Allez voir lunechance.com, le lien va être là-dessus, www.lunechance.com. L'album sort le lunch, est en vente dès maintenant, à prix modique dans les magasins suivants sur le territoire montréalais: Public, Sonic, Sound Central et X20. C'est aussi en vente sur bluetracks.ca. Ça vous intéresse, tous les renseignements sont sur leur MySpace. Les 454 régalent finalement le grand public avec Sort le lunch, un premier album rock'n'roll qui roule à fond la caisse. Trio qui s'est apparemment enfilé plusieurs 8-tracks de John Spencer Blues Explosion lors de Road Trip. Le chanteur Raphaël Cheetah Léger et ses potes teintent leur genre de prédilection d'un soupçon bluesy crasseux et badigeonnent leur texte de sauce 15 bars. La lascive Caroline en témoigne. Les amateurs de chocolat et des breastfeeders devraient adorer. C'est une belle biographie, bien écrite, ça. J'aime beaucoup ça. Non, mais sans blague, j'ai beaucoup aimé les 454. Très bon, j'aime ça. Allez voir le myspace.com/454SuperTalk2 si vous voulez en savoir plus. C'est déjà la fin de la première heure de notre poste d'écoute de cette semaine. On va se terminer ça avec une quatrième pièce des 454. Elle s'appelle Hold Up et reste là parce qu'il y a deux autres heures de musique complètement francophone dans ce spécial 100% francophone du poste d'écoute au 89.1 FM. Restez avec nous. Hold on, hold on, ça va commencer. cut. Tabarnak. Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va entendre des choses que je sais que je vais aimer parce que j'adore la formation Ben de Garage. C'est certain que je vais aimer leur nouvel album qui s'appelle Cassette 2. C'est leur deuxième, en tout cas. On va aussi entendre Cœur de Pirate. J'ai entendu de très bons commentaires là-dessus. Mais on commence avec une formation que j'ai aucune idée ce que c'est. Mais on l'a reçu et c'est un CD blanc avec une feuille qui disait vraiment pas grand-chose. On savait pas trop si c'était quoi le nom de la formation. On l'a deviné, Hello Postier. Pourquoi pas? Allons entendre Hello Postier avec leur mini-album, leur maxi, qui s'appelle Chicago Bye Bye. On commence avec la pièce Dehors, tout de suite dans le Poste d'écoute 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Poste d'écoute. Oh, oreilles. On vient d'entendre les quatre pièces du maxi de Hello Possier. Ça s'appelle Chicago Bye Bye. On a commencé avec la pièce Dehors. Ensuite, c'était Chicago Bye Bye, Parachute, deuxième partie. Et puis, c'est la quatrième pièce de l'album. C'est bon, hein? Moi, j'aime ça. Ouais. Je n'aurais pas aimé ça avec un CD aussi brouillon. Mais quand même, c'est un groupe de Montréal, Sorel Tracy. Un groupe rock, Hello Possier. Ils sont en spectacle le 16 octobre. À 22h à l'Escogriffe, avec On a créé un monstre, une formation qu'on joue ici à C'est fou. Pour ça, c'est à Montréal le 16 octobre. Martin Pellan, capitaine Sonny Duval, Marc-André Larocque, Le Mal, François Plante, Don, Jocelyn Tellier, Docteur. J'ai aucune idée ce que ça veut dire tout ça. Martin Pellan, le capitaine Sonny Duval, et Marc, je sais pas. ça n'a aucun sens. On dirait que tout est brouillon chez Hello Postier. Peut-être que c'est voulu, c'est peut-être comme ça qu'ils voulaient faire ça, mais au début, on se demandait c'était quoi le nom du band, parce que sur leur feuille, c'était vraiment pas clair, puis sur leur CD, c'était comme écrit en blanc avec juste Chicago Bye Bye. C'est sûr que c'est des blancs écrits en noir, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est brouillon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'sais, c'est le même, ça a vraiment pas l'air de quelque chose qui veut jouer dans une radio. Mais bon, c'est fait, on a aimé ça, le site musical est très très intéressant, donc allez voir myspace.com/HelloPostier ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Appliquez-vous un petit peu sur votre production visuelle, disons. Mais bon, c'est normal, il n'y a pas de budget, je comprends, mais c'est au moins, écrivez band 2 points quelque chose, je sais pas. On continue dans notre spécial francophone du poste d'écoute avec un CD qui m'a l'air très bon. J'ai entendu plein de bons commentaires sur Cœur de Pirate. Donc on va l'entendre ça tout de suite. On commence avec la pièce numéro 1. Voici Le Long du Large. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Moi aussi, je peux être brouillon des fois. Je peux vous dire les mots dans le mauvais ordre. Poste d'écoute. Alors tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer, à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. S'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore, et toi tu m'aimes un peu. Je t'aime un peu plus fort, et malgré ça, il m'aime encore, et moi je t'aime un peu. je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. On retourne encore un petit peu de Cœur de Pirate et on découvre le nouvel album de Band de Garage dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Tard, le mal est passé et tu entres dans la danse. Le pire de côté, terre et ventre en cadence. Tu sèmes le bonheur à chaque pas que tu fais. Et à ton réveil, la vie reprend son train. Laisse derrière des ébauches fanées, des secrets de carrière. Et trois par trois, de nos cœurs essoufflés. Des secousses folles qu'on réfléchit plus tard, maintenant il faut rêver. Et je ne sais plus à quoi penser, c'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, rhabille-toi. Et deux par deux, on avale nos mots. C'est dur d'oublier ce que l'on connaît et ce qui imprègne nos peaux. Et trois par trois, nos cœurs de la partie. On joue au couteau et on peut partager le même lit. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, rabais. barbitoire. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, rhabille-toi. Deux par deux, on avale nos mots. C'est dur d'oublier ce que l'on a connu qui a imprégné nos peaux. Et trois par trois, nos cœurs de la partie. On joue au couteau et on peut partager le même lit. Cœur de pirate avec Corbeau dans le poste d'écoute. Juste avant, c'était Fondu au noir comme des enfants et Le long du large. C'est les quatre pièces qui ouvrent l'album de Cœur de pirate qu'on vient tout juste de recevoir ici à C'est fou. C'est bon, hein? Hein? C'est adorable, même, je dirais. C'est tellement cute! Cœur de pirate. Donc, commençons par la biographie. En mars 2007, Cœur de pirate naît d'une fin de longue période difficile pour Béatrice Martin. Ayant plus de 10 ans d'expérience en musique et ne sachant plus trop quoi faire avec ses aptitudes en piano, elle se met à extérioriser tout ce qui se passe autour d'elle en chanson, chose qu'elle n'avait jamais tenté de faire par le passé. Il n'y a rien à ajouter au sujet de Cœur de pirate, il suffit d'écouter pour comprendre qu'on a pas besoin d'être bien âgé pour réussir à transmettre de quoi à travers des chansons. Le disque de Cœur de pirate est prévu pour la fin de l'année 2008 et ce sous l'étiquette Grosse Boîte, même étiquette que pas mal de groupes québécois en ce moment. Donc Cœur de pirate, c'est un très joli concept avec un beau petit vidéo où les gens se mettent la main sur l'œil là, pour faire comme des pirates, comme s'il y avait un cœur de pirate, c'est joli hein. Donc Béatrice Martin est la seule membre de ce cœur de pirate, elle joue du piano et elle dit piano et autres instruments qui sont faciles à jouer, dont jouer de la voix. Hein? En spectacle, il y a aussi Julie Brunet à alto et Renaud Bastien à la guitare. Influence Kundera, Sartre, La Main, L'Avenue du Parc, L'Hiver, L'Été, Le Noir, Le Blanc, Philobin et un paquet d'autres choses. Elle est en spectacle le 4 octobre à 20h au Casbah de Québec. Ensuite, le 16 octobre à 20h, Showcase Rosec à Salle Desjardins, TELUS, Rimouski. Ensuite, elle va être à Saint-Hilaire, Québec, Laval et Sherbrooke. Voilà. Elle vient de Montréal. Et son album est en magasin depuis le 16 septembre. Voilà, c'est de l'acoustique pop classique. Allez voir myspace.com/cœur de pirate si ça vous intéresse. Ou passez par le site de l'émission www.unechance.com. C'est une des choses que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est Cœur de pirate. Quelque chose que je vais probablement aimer aussi, c'est le nouvel album de Band de Garage. Si vous écoutez un petit peu C'est fou une fois de temps en temps, vous avez certainement entendu du Band de Garage. Ça joue pas mal. Ça a été sur nos palmarès aussi pas mal de fois. Je suis très précis hein, dans mes nombres, mes chiffres. Très précis. Pas mal de fois. Un paquet, comme on dit. Donc, le nouvel album s'appelle Cassette 2 et on commence avec la première pièce de l'album. Comme toujours, voici Construction en poste des Coteaux, 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières, www.cfou.ca. I'm le poste d'écoute. Je suis aveugle. formation Band de Garage. Avec leur nouvel album qui s'appelle Cassette 2, c'était la pièce Compare, précédée de Jambes de plomb, de Purgatoire, et on a commencé avec Construction. Avant de parler de Band de Garage, je fais une petite parenthèse sur ce qu'on a entendu avant, avant que ce soit trop loin derrière vous. Là, on a entendu Cœur de pirate, si vous étiez là, vous en rappelez certainement. J'ai oublié de vous dire que la fille, Béatrice Martin, c'est la claviériste de Bonjour Brumaire. Elle a 18 ans. Et ça fait plus qu'elle a 3 ans qu'elle joue du piano. Donc, je voulais le dire. J'adore Bonjour Brumaire. J'adore Béatrice Martin aussi. Donc, allez voir lunechance.com pour le lien que j'ai dit tantôt. Donc, Band de Garage. Bon, mettons le spotlight sur eux en ce moment. Band de Garage, c'est un groupe de garage rock progressif. Vous aurez compris d'où le nom. C'est Band de Garage. C'est un groupe de Montréal. Ils vont être en spectacle le 25 octobre au Pub O'Callaghan avec les Dale Away Chuck à 22h. C'est à Sorel. Et puis, le 7 novembre, ils vont être aux Haricots de Saint-Hyacinthe. Allez voir le myspace.com /banddegarage ou banddegarage.org. Les membres sont Frank à la guitare à 2 amplis et voix, et Emma à la batterie à 2 bâtons et voix. Influence des bateaux, un barbecue, des clôtures et un bon repas chaud. J'adore Band de Garage. Cet album-là est voilà, assez fidèle à ce qu'ils faisaient dans leur précédent album ou talbum, dépendant. J'ai aucune idée. Band de Garage, cassette 2. Je montre mon ignorance sur le nombre d'albums des bands. Hein. Mais que voulez-vous? On termine cette deuxième heure du poste d'écoute avec un petit peu de rap rapide. On va passer ça en fin de deuxième heure. Hein? On aime ça. PO avec Putain de vie de déboire. C'est ce qu'on s'en va entendre. 303e album de rap qu'on a, c'est fou. C'est quand même assez étonnant. En tout cas, voici les potes tout de suite dans le pote d'écoute. Chaque page que je tourne, c'est ton visage dans ma tête qui séjourne. Je pense souvent à toi très fort. Je n'arrête plus de réfléchir depuis ta mort. Ça me fait peur. J'suis tellement jeune, je sais que des départs, y'en aura encore. Les potes, c'est tellement précieux. Y'a rien de plus important à mes yeux. Un groupe de potes comme le nôtre, y'en a pas deux. J'espère que nos âmes sont avec toi, mon vieux. À la 200e page de mon livre, tu as jeté l'encre. Tu me manques. Et pour toi, sur chaque page qui reste de mon livre, y'aura de l'encre. Le jour se lève, c'est ta renaissance. Tant que dans nos pensées, tu seras. Ou si longtemps, tu vivras. Le texte qui suit, ça fait longtemps que je l'ai écrit. Mais bon pote, j'aurais aimé ça te le dire. C'est pour toi que je l'ai dédié. Peace mon pote. C'est PO qui parle, pour les potes qui partent. Vous êtes tous des perles, je tiens à le dire avant de vous perdre. J'arrive pas encore à croire que je suis l'un de vous. Vous le savez peut-être pas, mais c'est grâce à vous si je suis encore debout. Les potes pour moi c'est plus important que tout. Et pourtant je suis pas sous, pas de jack, pas de caisse de douce. Les potes je vous aime, voilà tout. Hey, les potes j'ai de la peine, mais ça vient malgré vous. Quand vous voyagez aussi loin que l'Australie, y'a pas imaginé ici que l'on se trahit. Nous avons une île ou village, et merci les potes d'être venus faire dans mon univers, tant de mille âges. Vous m'avez fait passer au travers des hivers interminables. C'est où j'ai passé le temps à incriminer cette mine de solitaire minable. Mes potes, je n'ai pas vous nommé. Vous savez qui vous êtes pour moi, à quel point vous êtes phénomène. N'allez pas dire que je suis pas fou de vous. Je vous avoue à plein cœur que je vous aime beaucoup. Les potes, à chacun de vous, je vous en dois une. La vie, vous me l'avez sauvée, je vous dois la lune. N'allez pas dire que je suis pas fou de vous. Je vous avoue à plein cœur que je vous aime beaucoup. Les potes, à chacun de vous, je vous en dois une. La vie, vous me l'avez sauvée, je vous dois la lune. J'ai tellement de drôles histoires en souvenir. À chaque fois que j'y pense, à chaque fois, elles me font sourire. J'ai toujours été fier de ma bande. Partez pas, les potes, c'est PO qui vous demande. Encore jeunes, nous sommes dans le cœur. Et je le sais qu'on le sera jusqu'à ce qu'on meure. Votre amitié a bâti ma vie. Et vous savez pas à quel point dans mon cœur j'en suis ravi. Les potes pour moi c'est plus important que tout. Et les potes c'est pour vous que je porte ce tatou. On devient vieux et on se perd, je sais. Et dans la vie on devient amoureux, il faut qu'on opère. Mais les potes promettez-moi de ne jamais oublier qu'on a été frères. D'avoir été fiers, de savoir tirer d'affaires. En se tenant les coudes de la polyvalente. À dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières. N'allez pas dire que je suis pas fou de vous. Je vous avoue à plein cœur que je vous aime beaucoup. Les potes à chacun de vous je vous en dois une. La vie vous me l'avez sauvée, je vous dois la lune. N'allez pas dire que je suis pas fou de vous. Je vous avoue à plein cœur que je vous aime beaucoup. Les potes à chacun de vous je vous en dois une. La vie vous me l'avez sauvée, je vous dois la lune. Thank you. Poste d'écoute. Subir toutes ces insolences de cette jeunesse venue au monde dans la violence. L'adolescence, le fait qu'excellence, un jour n'a pas le choix de faire dans l'équivalence. La colère ne peut rester en somnolence. L'injustice ne peut habiter sous le silence. Tu ne peux avoir confiance même en corpulence. Ton crâne pourrait subir plusieurs turbulences. Confiance fascinante, insolence hallucinante. Mère seule, jeunesse triomphante. Mais que font-elles des enfants qu'elles enfantent? Quand c'est trop lourd à l'opposé de la balance, l'épisode achève à l'intérieur de l'ambulance. C'est pas un mythe fait dans l'invraisemblance, mais de ça la jeune nation son contrebalance. Personne ne fait dans la vigilance, à la vue de manque flagrant de ressemblance. Le jeune s'élance sans imaginer la relance, à rester là devant, debout dans la nonchalance. Confiance fascinante, insolence hallucinante. Mère seule, jeunesse triomphante. Mais que font-elles des enfants qu'elles enfantent? Aujourd'hui tout le pays fait dans la virulence, sans excuse, l'explication de la malance. Rares sont ceux qui possèdent de l'ambivalence. Tu frappes ou tu fais dans la flatulence. Y'a plus moyen de faire dans la truculence. Et les voyous voilent sans avec succulence. J'ai pas à subir toutes ces insolences de cette jeunesse venue au monde dans la violence. Confiance fascinante, insolence hallucinante. Mère seule, jeunesse triomphante. Mais que font-elles des enfants qu'elles enfantent? Confiance fascinante, insolence hallucinante. Mère seule, jeunesse triomphante. Mais que font-elles des enfants qu'elles enfantent? L'artiste P.O. avec Jeunesse insolente. Et juste avant, c'était les potes de son nouvel album Putain de vie de déboire. Hein? On aime ça quand c'est sec de même. Putain de vie de déboire. T'as dit tout. J'ai malheureusement pas trouvé d'informations. J'ai cherché un MySpace, j'ai cherché sur Google Putain de vie de déboire, j'ai rien trouvé. J'ai entendu le nom, le mot Trois-Rivières, ou au moins en tout cas. La phrase, l'expression Trois-Rivières, tu sais. Bon, vous savez ce que c'est. Trois-Rivières, c'est une ville, tu sais. Bon. Donc j'ai entendu ça, donc j'imagine que c'est un artiste d'ici. J'ai pas trouvé de feuille non plus, donc c'est dommage de pas avoir plus d'informations sur lui. Si j'en trouve, si je trouve le site web, ça va être sur le www.unechance.com. Si, il y a quelque chose. Autre que ça, jusqu'à maintenant dans l'émission, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Sérieusement, c'est on a fait une émission 100% francophone jusqu'à maintenant et on va continuer ça dans une troisième heure. Et c'est rare que j'entende autant de bonnes choses dans une même, une seule et unique émission du poste d'écoute. Je sais pas ce qu'il y a dans le francophone de ces temps-ci, dans le café des artistes francophones, mais ils font des bonnes affaires. En anglophone, c'est un petit peu moins bon, il me semble, depuis quelques temps. Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Et c'est fou en général, j'ai entendu plein de commentaires comme ça, c'est assez fou. Donc jusqu'à maintenant, on a entendu quoi? Éric Bélanger, Pomerleau, les 454, Télé au Postier, Cœur de Pirate, Band de Garage et bon, PO. Il nous reste dans la troisième heure à entendre JP et Dalpé. Il y a aussi le nouvel album des Cowboys Fringants. Il y a June avec Mon Espace et puis Valence Pariétaire. Tout ça dans la troisième heure. On va essayer de rentrer ça tout dans la troisième heure. Hein? Je sais pas si on va être capable, mais restez avec nous dans la troisième heure du Poste d'écoute de l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Reviens dans quelques instants à peine. Oui! Pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui, hein? Mais pourquoi moi? Ouais. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui? Mais pourquoi moi, hein? Pourquoi moi j'ai été élevé sous les toits de bois? Et lui sous les étoiles dans la rue avec le froid? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui? Mais pourquoi moi, hein? Pourquoi moi j'ai été élevé sous les toits de bois? Et lui sous les étoiles dans la rue avec le froid. C'est moi et l'itinérant. J'ai fait le bilan car y'a pas si longtemps je croyais qu'on t'aime pas si différent. Mais lui il était blanc, mais il est devenu noir à force de baisser dans les rangs. Il est sale, et plus lavé, mais plus intolérant. Il t'épargne, il le sait, maintenant ne s'informe plus aux gens. Il a juste le goût de partir loin dans l'océan. Il cherche juste à être sous pour nier qu'il baigne dans ce trou béant. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui? Mais pourquoi moi, hein? Pourquoi moi j'ai été élevé sous les toits de bois, et lui sous les étoiles dans la rue avec le froid. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui? Mais pourquoi moi, hein? Pourquoi moi j'ai été élevé sous les toits de bois, et lui sous les étoiles dans la rue avec le froid. Je me balade avec la dalle, je suis malade et j'étais pâle. Mais j'arrêtais d'être pleurnichard quand j'ai rencontré ce clochard. Je suis stable et dans le trafic, cela ne veut pas dire que je suis une cloche. J'ai les moyens d'être habique ou de péter une coche, mais lui ne peut pas, c'est la tôle au premier pas. Il ne plaît pas, sa cause ne la plaide pas. Pourquoi? Parce qu'il paie pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se prépare à une bande de paperasses et les écrire, il ne le sait pas. Il se bat contre les intempéries, il se bat pour ne pas périr. Et moi je suis là à perdre mon argent dans les paris, à m'en faire pour une carie. Je croyais avoir une triste vie, et c'est dans les yeux vides de l'itinérant que j'ai tout appris. Alors pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui? Mais pourquoi moi, hein? Pourquoi moi j'ai été élevé sous les toits de bois, et lui sous les étoiles dans la rue avec le froid. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui? Mais pourquoi moi, hein? Pourquoi moi j'ai été élevé sous les toits de bois, et lui sous les étoiles dans la rue avec le froid. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas lui? Mais pourquoi moi, hein? Pourquoi moi j'ai été élevé sous les toits de bois, et lui sous les étoiles dans la rue avec le froid. Dans les pieds, la base dans les tympans. Important, j'ai pas le temps, mais dans ma tête, j'suis partant. Parlez-en, mes partisans, c'est pesant, plaisant. Faut s'appeler, ce n'est pas qu'une parure. J'parsème les parties en béton. J'bats la batterie au bâton. C'est un petit pâté pour les battre et les bâtards à pâté par le son. Maintenant, je suis l'amant de la rime, et elle arrive comme une rafale de Léonard de Rime. Je suis un maniaque dans la ville, et la rime manie ma vie manie ma rime. C'est la vie d'un homme qui file les rimes de sa ville de peine à pleine ville, mais n'est mutile sa haine. C'est pas inutile, ça lève la voix de la ville, une voix répile, ça lève. Cette traque des traqués, traqué, pas traqué. Casse le hamac ou craque pas sous le trac. Je suis un craqué de rap, ma marque m'a traqué. Les mots en vrac, les baraques pètent et les banques, je les braque. T'estomaqué, tu te crois paranoïaqué. Mais c'est comme ok, man, ça va te plaquer. Ou comme au soccer, ça va te taquer. Je vais t'attaquer, je rappe sur sacré petit enfer qui veut massacrer. Regarde ce couplet de rimes que je t'ai consacré. Malgré des simagrées, le rap, je le désintègre. Malgré le degré de difficulté, l'angle du crayon, je le désancré. Je suis un poutré de rime et je n'ai plus de récré. La crée veut procréer, même t'inquiète qu'elle va créer. Ça va tout péter, je vais t'attaquer. Parce que je rappe sur sacré bite d'enfer qui veut tout massacrer. Maintenant, je suis l'amant de la rime, et la rime comme une rafale de Léonard de Rime. Je suis un maniaque dans la ville, et la rime manie ma vie manie ma rime. C'est la vie d'un homme qui file les rimes de sa ville de peine à pleine ville, mais n'est mutile sa haine. Ce n'est pas inutile, ça lève la voix de la ville, une voix répile, ça lève. Yeah. Je rappe sans thème exact, à l'exacto. Je trime la rime, j'en ai plein le sac et que ça tourne. La tête hoche là, de droite à gauche, ya. Accroche-toi au son des frissons, t'en auras plein le blouson. Pose en explosion, c'est l'habitude. Les points vers l'altitude, vision pleine d'attitude. À qui le dis-tu? Quand t'entends, c'est une qui tue. Ça l'assure, c'est sûr, c'est ce que tu dis. Le rap, je l'étudie, c'en est une maladie. Lourde mélodie qui rend les gens malades. C'est valable, man, les syllabes vont en balade, man. Beat qui fait mal, il faut que je lance ma salade, man. Hey, hello, man. Le beat est fait pour nous les mélos, man. Hey, hello, man. Quand ça pèse comme des kilos, faut pas rater notre boulot, man. Maintenant, je suis l'amant de la rime, et la rime comme une rafale de Léonard de Rime. Je suis un maniaque dans la ville, et la rime manie ma vie manie ma rime. C'est la vie d'un homme qui file les rimes de sa ville de peine à pleine ville, mais n'est mutile sa haine. Ce n'est pas inutile, ça lève la voix de la ville, une voix répile, ça lève. Yeah. We'll be right back. Troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois. En même temps que vous, je m'appelle Mathieu Plante. Spécial 100% francophone cette semaine dans le Poste d'écoute. Donc, on passe à travers les piles et des piles de CD francophones qu'on a reçus depuis les dernières semaines. En fait, on a dû recevoir une quarantaine ou une cinquantaine d'albums en général à chaque semaine depuis le début du mois. Donc, il faut bien, à un moment donné, faire un spécial et se concentrer sur un sujet en particulier cette semaine, c'est le francophone. Il nous reste dans cette troisième heure la formation Valens Pariétaire. Il y a aussi le nouvel album des Cowboys Fringants, mais on commence avec deux pièces d'un simple. Oui, un simple à deux pièces, ça arrive des fois. De la formation L'Indice, on entend la pièce dans quelques minutes et tu tires dans les mots, mais on commence avec ton cœur aujourd'hui. Ça se passe maintenant, pas juste aujourd'hui, dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. Poste d'écoute. Me trouve raison d'avoir peur. Formation L'Indice avec deux pièces sur un simple, seul et même disque, mais seulement deux pièces. Donc c'était Ton cœur aujourd'hui et ça, ce qui vient tout juste de jouer, c'était Et tu tires dans les mots. L'Indice, c'est bon, t'sais? C'est un groupe qui vient du Québec. Parce que sur leur MySpace, ça dit rien. J'aime beaucoup ça, les groupes qui font ça. MySpace.com/L'Indice, ils vont être en spectacle le 27 septembre, donc demain, si vous écoutez en direct, à 22h au bal du Lézard, ça, c'est encore une fois à Québec. Et puis, ils vont être le 6 novembre à 21h au Divan Orange, coup de cœur francophone, ça c'est à Montréal. Musicien live, Le Chat au synthé, Mathéo Visio au drum, Rochelot à la basse et L'Indice devant. Sur leur MySpace, leur biographie, c'est Indice, musique, Indice, musique, musique, Indice, été 2007, Indice, musique, Indice, musique. Je vais pas continuer, mais vous comprenez le principe. Tant qu'à faire un MySpace, mettez donc quelque chose dessus pour aider les gens qui veulent en parler. Hein? Ça serait fun. J'aimerais bien ça. Ça serait bien gentil. Allez voir unechance.com pour les suivre sur leur site web, myspace.com/l'indice. C'est comme ça. Hein? Peut-être que j'avais une feuille, puis je l'ai plus. Que voulez-vous? On continue avec un album de la formation Vanesse Pariétaire. Vanesse Pariétaire qui nous a envoyé une petite feuille de papier blanche écrite à la main. C'est tout fait maison. On va entendre les quatre premières pièces de leur album qui en compte sept. On commence avec Exil et ça commence maintenant. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM, émission complètement décousue, oui, parce qu'on sait pas où on s'en va. C'est ça l'idée. On découvre les nouveaux disques tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM. C'est fou ça. Trop bien, j'attendrai. décroche le poste d'écoute. Restez avec nous au retour, il y a plus de Valdez Parietaire, il y a les Cowboys Fringants et Gants. quand? Quand ça, après la pause? Si c'était la question que vous vous posiez. Et il y a du June aussi. Reste là. Yeah. La pièce homonyme de Vanessa Parietter dans le poste d'écoute. Vanessa Parietter, on a commencé avec Exil, ça c'était la première pièce, ensuite il y avait L'après-guerre, Le jour, la nuit, et ça c'était la pièce homonyme, Vanessa Parietter, qui est un groupe de rock indie alternatif du Québec. Alexandra Dupré, Jean-Philippe Gervais, Kevin Williamson, Pierre-Philippe de Chevigny-Leblanc et Louis-Antoine Saint-Onge, donc beaucoup de gens avec des noms composés. Pierre-Philippe de Chevigny-Leblanc dirait vraiment un prince. Peut-être l'est-il vraiment. Allez voir le myspace.com/Vanessa Parietter. Il y a plein d'informations là-dessus, plusieurs pièces à écouter aussi. Et apparemment, qui sont numéro 11 à Chiz à Québec. C'est bien ça. Donc, ils jouent dans plusieurs radios universitaires. Ça commence à marcher pendant leur CD. Ils nous ont été envoyés ici à C'est fou. On vient toujours de leur recevoir. Donc, voilà pour Vanessa Parietter. On continue avec un groupe un petit peu moins underground. Je dirais qu'ils sont pas mal over the ground. C'est les Cowboys Fringants qui nous ont envoyé leur nouvel album, L'Expédition. Je le mentionne depuis le début de l'émission. Donc, allons l'écouter tout de suite, voir de quoi ça a l'air. On commence avec la pièce Droit devant et ça commence maintenant. Prépare-toi, petit garçon. Elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Quand il était haut comme trois pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme, on le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord, il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves, où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques, ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Rien se passe, je suis obligé dans cette forêt parfois agitée. Chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées, ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Enfin vient la montagne hostile et son ascension ou mille périls. Les victoires sont triomphales, mais où les chutes sont souvent brutales. Seuls quelques-uns se hissent en haut et réussissent à planter leur drapeau. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à la cour du sommet. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. viendra l'âge du bilan. L'important sera que tu sois content. Car on fait ce qu'on peut dans la vie, tout dépend de ce qu'on a comme outil. On voudrait tous être aux commandes, mais l'offre est plus petite que la demande. Que l'on soit minus ou géant, il faut être fort pour traverser le temps. Bonne chance. Le poste d'écoute. Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau, et le chêne, toi debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours retomber, tomber, tomber pour se relever, retomber, tomber pour se relever. Même si le chêne est géant, il fendra dans l'ouragan. Moi, roseau, par mauvais temps, je danse avec le vent. Sage qui ne crée pas les orages, il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent, et il regarde de haut son pauvre ami le roseau, qui se bat d'arrache-pied pour se relever, toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est balotté par le vent. Moi chêne par mauvais temps, je n'expose qu'un plan. Cette histoire banale, que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un brin, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber, tomber et nous relever, retomber, tomber et nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes, qui par instinct de survie confortent nos vies. C'est fou. Oreilles. Ils se sont embrassés tard dans la nuit, sur la banquette d'un taxi. Dehors, une lampe à verre s'est rallumée. Ils ont fait feu d'éternité sur le toit de la voiture. Le néon lumineux ne semblait briller que pour eux, comme une petite auréole dans le noir. Le taxi filait vers la gloire. Oh, qu'il est triste le sort des amoureux, se disait le vieux chauffeur amusé. Se dire adieu, et notre premier baiser. chaleur dans le logis. Les rêves qu'ils avaient jadis en duo s'endorment maintenant dos à dos. Par la fenêtre, elle regarde celui qu'elle a aimé, l'a quitté pour l'éternité, en emportant tout un pan de sa vie dans un anonyme taxi. Qu'il est triste le sort des amoureux qu'on se dit lorsque tout est terminé. Car on commence toujours à se dire adieu. Les trois premières pièces du nouvel album des Cowboys Fringants, L'Expédition, ça c'était Entre deux taxis, c'était précédé de Chêne et Roseau et de Droit devant. Nouvel album qui ressemble à du Cowboy Fringant, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est bon. Entre deux taxis, j'avais déjà entendu Assez fou, elle a commencé à jouer il y a quelques semaines, c'était le premier single de l'album, je crois. Donc j'ai commencé à m'habituer. Au début, j'étais pas sûr, je trouvais que ça sonnait comme redondant, un petit peu comme son, mais elle commence à être accrocheuse, disons, cette belle petite pièce. On va aller... en fait, je ne présenterai pas les Cowboys Fringants. Je pense que ça a été fait pas mal partout. Donc, le nouvel album s'appelle L'Expédition. Vous pouvez vous le procurer probablement maintenant. Probablement. On va se dépêcher à sauter un autre artiste. C'est June avec des trémas sur le E. L'album s'appelle Mon Espace. Voici nulle part ailleurs. Et puis, on revient avec la conclusion de l'émission et on couronne le poste d'or. L'album que j'ai préféré cette semaine. Le choix va être dur. Vous écoutez le poste d'écoute au 89.fm. C'est la radio pour en plus de Trois-Rivières. J'amène mon corps dehors. La nature s'occupera de mon sort. De la muse à mes oreilles. Je sens et ressens tous mes sens qui s'éveillent. Je flippe un train dessous. La pièce m'indique l'autre bout. Flander dans l'atmosphère, éparpillé dans le temps, je me retrouve dans mon rang, perdu dans l'écho, les ondes ne sonnent pas faux, le vent lui se libère, je me sens dans mon repère. J'aboutirai sûrement nulle part. Je commence à m'y faire, à flâner dans l'atmosphère, éparpillé dans le temps. Je me retrouve dans mon rang, perdu dans l'écho. Les ondes ne sonnent pas faux, le vent lui se libère, je me sens dans mon repère. Thank you. La formation June avec l'album Mon Espace. On vient d'entendre la pièce Nulle part ailleurs. Si vous voulez plus d'informations, c'est myspace.com/JUNEMusique en français. Et là-dessus, vous allez découvrir que c'est un groupe de Montréal. Leur CD est en magasin à partir du 30 septembre. C'est du rock alternatif. Ils vont être en spectacle le 1er octobre au Diable Vert de Montréal. Ensuite, ils vont être pas mal partout à Montréal, le Belmont, l'Absinthe, des trucs comme ça, donc allez voir le MySpace. Paroles et musique, Mario Junior, Pietro Paolo, puis Influence Carquois, Vincent Vallière, Radiohead, Pearl Jam et Dumas. Allez voir lunechance.com pour suivre le lien si ça vous échappe. On va terminer l'émission par une deuxième pièce, Bien paraître, de la formation June et puis les auditeurs de la rediffusion. Mais vous savez qu'on a 20 minutes de contenu ajouté dans les rediffusions, donc allez voir l'horaire complet sur le cif.ca. En bref, là, c'est vendredi 10h en direct, ensuite samedi midi et mercredi 13h. C'est pas mal tout ce qu'il y a à retenir. Je vous retrouve dans l'émission Écoutons la noire chanson les lundis matin à 10h et dans les palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. Notre poste d'or cette semaine, c'est Cœur de pirate avec l'album éponyme Cœur de pirate. C'était super bon avec la claviériste de Bonjour Brumaire. Donc, étant mon mot préféré, apparemment. Bonne semaine tout le monde. Bye bye, je vous adore. Salut! En transe et je m'en balance. Des désir paradoxal, la confusion s'installe. Je vis un moment crucial. J'ai besoin de repos, toujours sans dire un mot. Mon corps se dévore encore. J'ai besoin de silence, aération de mes sens. Mon corps s'évapore. Dans les délires, mes souvenirs me font bien rire. J'oublie mon respire qui paralyse mes désirs. Absence de plaisir. J'ai besoin de silence, aération de mes sens. Mon corps s'évapore, ça commence. Mon corps est en accord, mon esprit dans les remords. Mon âme me sort. cigare pour tous ces virages. Mon humeur, une telle disparate. Je veux en finir avec ce stigmate. Je suis bipolaire. Je suis un homme solitaire.